Révolution et liberté. Révolution et liberté. Alors, quoi de neuf, docteur ? Bonjour et bienvenue sur les Cahiers Libertaires, l'émission de Révolution et Liberté. Pour ce troisième numéro, je sais, ça fait depuis longtemps que je n'ai pas fait de podcast pour des raisons personnelles, on va s'intéresser à l'implosion du Parti Socialiste et de ce qui en découle. Donc, comme vous le savez, au niveau de la primaire citoyenne, c'est Benoît Hamon qui a remporté le suffrage à 56% des voix. Et dernièrement, Manuel Valls a justement appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc, ce vote, il est dans l'idée du vote utile. Mais le problème, c'est que derrière la question du vote utile, il y a un refus évident de Manuel Valls de remettre en question ses propres politiques, notamment via la politique de l'offre. C'est-à-dire que cette dernière, sous le mandat de Manuel Valls, quand il était Premier ministre, a largement paupérisé les classes populaires et les classes sociales, et les classes moyennes, je veux dire. En refusant de se remettre en cause, l'ancien premier flic de France a pourtant laissé un véritable boulevard idéologique à l'extrême droite. Donc on peut s'interroger de qui a poussé la hausse de la xénophobie, le rejet massif des musulmans, augmenté la pauvrophobie, bâillonné toute contestation sociale, détruit le droit du travail, mis en place des politiques d'austérité, utilisé l'état d'urgence pour réprimer les opposants à la politique gouvernementale, ou encore ouvert la boîte de Pandore concernant la déchéance de nationalité. La réponse tout à fait logique, c'est Manuel Valls. Donc l'idée ensuite qu'il appelle à voter pour Emmanuel Macron semble un peu interroger la structure même du Parti Socialiste, parce que, comme vous le savez, être dans un parti, ça sous-entend respecter les statuts et le règlement, et que justement les statuts du Parti Socialiste, à travers son article 1.2.3, et qu'est-ce qu'il souligne cet article ? Il souligne justement que quand on est adhérent au Parti Socialiste, quand on a sa carte, quand on est militant ou élu, on doit soutenir le candidat du Parti Socialiste. C'est-à-dire, dans la logique, c'est Benoît Hamon. Et que fait Manuel Valls ? Alors Manuel Valls, il prend acte, mais il n'admet pas sa victoire, comme je l'ai souligné, et du coup, il va contre l'idée même qui fait la structure du parti et l'idée de la primaire. De ce fait, il y a véritablement une question logique qui aboutirait à savoir son exclusion. Sauf que, comme vous le savez, le Parti Socialiste, dans les élections présidentielles, il chute. Et actuellement, il est à peu près à 10% des sondages. Et que la non-exclusion de Manuel Valls irait dans la logique que au niveau de Solferino, il y aurait une alliance possible entre le Parti Socialiste et le mouvement En Marche de Emmanuel Macron. Sauf que, à savoir qu'ignorer l'engagement vis-à-vis des primaires, c'est surtout aussi ignorer les propres statuts. Et plus globalement, on constate que le Parti Socialiste se divise et poussé vers deux axes. On a l'un qui va vers Jean-Luc Mélenchon et le deuxième qui va vers la politique de Emmanuel Macron. C'est-à-dire que l'un va vers un social-étatisme keynésien de gauche et l'autre vers un libéralisme plus ou moins progressiste sur les sujets sociétaux. Et dans le cadre de l'implosion du Parti Socialiste, on ne peut pas ignorer que le résultat des primaires, qui est quand même remis en cause par Manuel Valls, s'inscrit dans une logique particulière de la trahison. À savoir que finalement, les élus socialistes qui ont beaucoup critiqué les élus républicains vis-à-vis au niveau des différentes affaires Fillon, se retrouvent dans un suspense, dans un esprit, dans un guet-apens, à savoir qu'ils n'arrivent pas à respecter le vote de leur propre primaire. Alors que, disons que chez le mouvement républicain, si l'affaire Fillon semble avoir un peu troublé tout le monde, les gens restent quand même plus ou moins derrière Fillon, ou du moins essayent de le faire, même s'ils ont des divergences. Donc, la question aussi, comme je l'ai rappelé, c'est la question de la montée de l'extrême droite. Donc, on constate que, comme je l'ai dit, c'est Manuel Valls qui est justement responsable de la montée de l'extrême droite, et que, au niveau des votes de l'extrême droite, il faut vraiment différencier le vote contestataire et le vote idéologique. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un vote, bon, j'en ai marre, je vote Marine Le Pen, ou je votais Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est un vote idéologique. C'est-à-dire que les personnes, elles prennent corps et prennent acte du programme et du processus lepéniste qui est en cours. À savoir que derrière cela, il y a la baisse des cotisations sociales au niveau du travail pour augmenter le salaire net. Il y a la flexibilité au niveau du droit du travail. Il y a la répression des mouvements sociaux, mais aussi il y a le plan sécuritaire et identitaire. Donc, je voulais rappeler, c'est exactement les quatre points auxquels justement Manuel Valls a mis en dynamique. Donc, la question du vote utile est aussi une question typiquement bourgeoise, c'est-à-dire une question typiquement qui ne peut que aller dans l'intérêt de la classe dominante. Donc, les conséquences à long terme d'un Emmanuel Macron pourraient être les mêmes que celles de Marine Le Pen. Donc, on l'a expliqué tout à l'heure, d'autant que si les sondages donnent vainqueur Emmanuel Macron au second tour, ces derniers sont très volatiles et la marge d'erreur peut être très grande. D'autant que les instituts de sondage, comme on le sait, ce sont des instituts typiquement capitalistes et que les actionnaires de ces instituts appartiennent justement à la classe dominante. Et de plus, on parle également du débat télévisé de ce soir, à savoir celui du 4 mars. Et que c'est un débat télévisé où il y aura 11 personnes sur le plateau, et que au niveau de la composition du débat, donc il y a 1 minute d'introduction, 15 minutes par candidat, et 1 minute de conclusion également par candidat. Ce qui fait au total 17 minutes par chaque candidat pour mettre en dynamique le sujet. Sauf que, comme vous le savez, lors du dernier débat, ce n'était qu'un débat à 5, et cette fois c'est un débat à 11. C'est-à-dire que les principaux candidats, à savoir Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Benoît Hamon, François Fillon et Emmanuel Macron, risquent de se retrouver face à la percée des petits candidats qui risquent de les affaiblir. Et en particulier, on risque de voir un parti socialiste encore plus affaibli à la sortie de ce débat, puisque actuellement, disons que Benoît Hamon, il est autour de 10% des sondages. Et de ce fait, on constate que progressivement, le parti socialiste, est-ce qu'il peut survivre finalement au congrès de Alfortville? Je vous rappelle que le congrès de Alfortville, il avait quand même coalisé la SFIO et le PSU. Il s'agit d'une éventualité puisque, on se le rassure, la démocratie survivra à l'implosion ou pas du Parti socialiste. Mais également, il faut dire que le Parti socialiste est l'héritier de la SFIO, dont la fondation remonte quand même à 1905, et qu'à l'époque, le Parti socialiste avait, enfin la SFIO, était justement la coalition de deux partis politiques, à savoir le Parti socialiste français de Jean Jaurès et le Parti socialiste de France de Jules Guesde. À ce stade, il n'y a aucun héritier des deux courants socialistes de l'époque. Autrement dit que le Parti socialiste se cherche une identité neuve et apparemment il n'y arrive pas. Parce que le Parti socialiste a largement abandonné disons les questions du prolétariat et des ouvriers pour, disons, s'adapter au capitalisme et tendre vers un capitalisme à visage humain. De ce fait, on constate que au sein du Parti socialiste, il y a même un reniement très important dans l'idée de la social-démocratie française, et que quand cette dernière est au pouvoir, nous sommes face à une véritable catastrophe. En effet, il y a toujours l'idée qu'il y aurait une gauche de contestation, une gauche de pouvoir. Sauf que dans la dynamique de la gauche de pouvoir, il faut surtout s'intéresser à l'idée que il y aurait une gauche qui est propre à des compromis avec la droite et que de manière globale, la gauche de pouvoir mène des politiques libérales, des politiques d'austérité et surtout des politiques qui vont contre le sens de la vie du Parti socialiste. À savoir que nous sommes très loin de l'idée même de la social-démocratie, puisque en social-démocratie, c'est le pouvoir qui se bat justement sur l'action des syndicats et de l'action syndicale. C'est-à-dire que vous avez les élus du Parti socialiste qui mettent en avant des projets de loi, et ces projets de loi, ils sont justement soutenus à la base par les syndicats. Actuellement, on a un parti socialiste qui a effectivement émis des lois sous Manuel Valls, mais il a bâillonné toute la contestation sociale, comme on a pu le voir à travers la loi travail. Alors François Hollande, il nous a expliqué qu'il n'était pas social-démocrate, il était social-libéral, mais justement en mettant le mot libéral à la place du mot démocrate, il y a une tentative de contourner l'aspect de la social-démocratie, puisque globalement, la social-démocratie doit aboutir à de nouveaux droits pour les travailleurs, alors qu'actuellement, les travailleurs, ils ont de moins en moins de droits, et en plus, quand ils manifestent, ils se prennent des flashballs ou du gaz lacrymogène. Sauf que le social-libéralisme, il a pour objectif non pas de servir l'intérêt des travailleurs, l'intérêt des ouvriers et des salariés, mais justement de servir l'intérêt du patronat sous un espèce d'objectif de réformisme, mais allant dans l'idée libérale, l'idée austère, et en fin de compte pour paupériser l'ensemble des classes populaires. En fin de compte, la véritable question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui changerait pour nos propres vies si le Parti Socialiste n'existait plus? La réponse la plus logique, cela, on arriverait à dire que la fin du Parti Socialiste n'y changerait rien. Parce que les raisons, c'est que Emmanuel Macron, il reprend justement tout l'aspect libéral que Manuel Valls avait commencé, et que celui-ci la termine et se retrouve dans une espèce de continuité. Alors on va nous expliquer que la politique de Manuel Valls et celle que propose Emmanuel Macron n'est pas tout à fait la même. Et pourtant, on constate qu'il y a quand même une ligne, un traceur qui est identique, et que on se retrouve finalement dans un espèce de fourre-tout idéologique. Donc, face à la débâcle, hein, parce qu'on peut bien parler de débâcle au sein du Parti Socialiste, certains militants ont justement appelé à une union entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour. Donc, ils ont manifesté le 1er avril, et que, comme tout le monde le sait, le 1er avril, c'est le jour des poissons d'avril, autant dire que ce n'était qu'une chimère, et que leur petite manifestation sur la place de la République n'a débouché sur strictement rien. Donc, on va faire une revue de la semaine. Donc, comme vous le savez, la CFDT est actuellement le premier syndicat des travailleurs dans le privé. Donc, il faut le dire que le réformisme syndical l'emporte en particulier sur le syndicat de combat. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts à négocier avec des réformes patronales contre ceux qui souhaitent des réformes allant vers les intérêts des travailleurs. Mais également, cela va permettre au niveau des patrons, tout comme au niveau des différents gouvernements, d'adapter plus facilement leurs textes libéraux et leurs textes qui favorise la flexi-sécurité, comme ils appellent ça, c'est-à-dire la libéralisation du marché du travail, Mais au-delà de ça, on constate que la CFDT, c'est-à-dire le syndicalisme jaune, apparaît comme une grande victoire pour le patronat et pour le MEDEF, quoi. Ensuite, on va toucher quelques mots par rapport au mouvement qu'il y a en Guyane. Donc, comme vous le savez, en Guyane, il y a tout un territoire qui est bloqué avec différentes demandes de la part du collectif des 500 frères. Donc, au niveau de Révolution et Liberté, s'il y a des points de concorde avec ce mouvement, l'aspect sécuritaire nous étonne, comme l'expulsion de tous les squats, qui peut s'apparenter comme mettre tous les SDF à la rue, et que cette logique sécuritaire ne va que dans l'intérêt des conservateurs et de la grande bourgeoisie. Merci beaucoup pour avoir suivi cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.